Yeah.

Sirai Suprême, c'est DJ Case, DJ Case. Allez, bonsoir tout le monde, tout le monde. Allez, c'est comme le zoom gaga, t'es wana gaga. Ok, ok. Khatr tout le monde. DJ Kayz. C'est déjà la fin de cette émission de ce Rail Suprême. On se dit 10 août, c'est fini. 10 août, oui. En plein été. Tu vas revenir dans une semaine. Alors, la bonne et mauvaise nouvelle, c'est que on sera à la veille du début de Planète Rap. Ah, ça, oui. C'est une bonne nouvelle. C'est pas mal. Mauvaise, c'est que c'est la fin des vacances. Pas pour moi. Pas pour toi. Ah non. Non, ce qui me concerne, dans une semaine. Je vais parfaire mon bronzage. Bon, bah, loupez pas. En tout cas, dans une semaine, il y aura évidemment un prochain Rail Suprême et coup d'envoi du Planète Rap spécial DJ Kayz Paris, Oran, New York, le 18 août. 18 août. Lundi 18 août. Merci pour cette soirée, Kayz. Merci à vous. On te file rencard la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. C'est reparti, le son de Skyrock. Dans 7 jours, c'est le retour de Planète Rap sur Skyrock. 7 jours seulement, avant de retrouver le DJ officiel de Rail Suprême qui t'a fait danser tout l'été. Je n'ai pas d'avoir de la sable, ou bien de la marque. Ok, c'est DJ Kayz dans Planète Rap. Toute la semaine prochaine, et pour la sortie de son premier album, Skyrock joue l'exclu avec celui que tu retrouves tous les dimanches soirs. C'est DJ Kayz, comme d'hab, au contrôle, comme chaque dimanche soir entre minuit et 1h du mat. Toute la semaine prochaine, tous les soirs juste avant 20h, nouveau son, freestyle et découverte des featurings de Paris Oran New York. Le premier album de DJ Kayz. Planète Rap offre DJ Kayz, le DJ officiel de Rail Suprême sur Skyrock. Rencard dans 7 jours avec Fred et DJ Kayz sur Skyrock. Et toujours en vidéo live sur Skyrock.fm et sur l'appli Skyrock.